C'est juste le fait de comprendre que l'esprit est un véhicule, par exemple. Ça, de l'intégrer réellement, ça peut faire que le corps vieillit moins vite. Ça, c'est intéressant. On voit ça chez différents personnages qu'il y a eu au cours de l'histoire, notamment certains mystiques, justement, qui vieillissaient beaucoup moins vite, mais qui avaient une vision de l'esprit comme un véhicule, même de la perception comme un véhicule, et qui pensaient que le temps était en grande partie influencé par la perception. C'était une perception, mais pas seulement. Puis on voit des phénomènes de gens qui sont moins malades ou vieillissent moins vite. Ou même Diogène de Sinope qui vivait comme un itinérant dans un genre avec des chiens, puis qui était plus en santé que la plupart de ses contradicteurs. Là, on a un effet effectif de l'énergie sur la matière, de l'actualisation dans la matière, de principes qui vont au-delà de la matière.